Le podcast de Mini Moncar numéro 3 avec Aristide Portagal. Bonsoir, il est 23h45, pas encore hier, mais un quart d'heure avant demain. Nous ne sommes pas peu fiers de vous annoncer que le podcast de Minuit moins le quart a été nominé au podcast d'or de la langue française. Rien que ça. La sélection officielle comprend une bonne quarantaine de podcasts francophones. Le concours vise à distinguer les podcasts dont l'esthétique est considérée comme la meilleure. Un jury mettra une note de 1 à 10 à chaque podcast retenu. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez également faire part de vos préférences en votant. Le lien est bien sûr sur le texte associé. Inutile de vous dire que nous sommes tout excités à l'idée de participer à ce jeu. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votez. À l'occasion de la sortie du numéro 2 de notre podcast, Cobalt, de Diopod, nous a fait un magnifique logo sans que nous lui demandions quoi que ce soit. Nous sommes fiers d'avoir reçu un si joli cadeau de la part de l'animateur du site qui recense tout ce qui se passe en ce moment dans le podcasting francophone, Audiopod donc. L'œuvre est à découvrir sur le billet associé. Merci à Cobalt. Encore une petite chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes nombreux à vous être inscrits sur le feed des chroniques. Merci à vous. La plupart d'entre vous l'ont fait par iTunes, ce qui vous permet de nous écouter ce soir. À toutes fins utiles, je vous signale tout de même que la rédaction produit presque quotidiennement des papiers sur divers sujets, et iTunes ne vous permet pas de les lire. Julien Morino, par exemple, nous écrit de Pamukkale, ou Annabelle Diramba nous fait part de ses coups de gueule. Alf, quant à lui, divague sur divers sujets plus ou moins technologiques. Vous manquez donc une part importante des chroniques en vous contentant de nous écouter. On vous aura prévenu. Bon, trêve de plaisanterie en carton, voici le menu de ce numéro 3 du podcast de Minuit moins le quart. Nous allons entendre la seconde partie du carnet de route de Julien Morino en Pamukkale. Et puis nous parlerons un peu avec lui en Skyplex et il nous dira un petit peu comment ça se passe là-bas. Et il sera largement demain. Mais tout d'abord, le réel concret du quotidien d'aujourd'hui d'Annabelle Diramba. Plongée dans le réel concret du quotidien d'aujourd'hui avec Annabelle Diramba. Jean-Pierre m'a fait une scène le mois dernier. Vous étiez vraiment trop flatteur avec moi. Il croit que vous savez. Oui, bon, je fais attention. Cette fois, il m'accusera d'être trop sec ou je ne sais quoi. Mais non, je le comprends, vous savez. Nous travaillons toujours tous les deux. Vous dites à qui veut l'entendre que je suis formidable. C'est peut-être un peu pénible à la fin. Mais enfin, Annabelle, c'est la stricte vérité. Vous ne voulez pas que je me mette à vous traiter comme une simple collaboratrice? Ben si. C'est au-dessus de mes forces. Alors, je ne sais pas, moi. Hein? Ah, Albert nous fait signe. On va devoir s'y mettre. Annabelle Diramba, bonsoir. Bonsoir, Aristide. Alors, que nous réservent les manifestations découvertes par Alf ce mois-ci? Eh bien, Alf a voulu couvrir une manifestation pour un pain de meilleure qualité. Mais vous verrez que ça a été très difficile d'obtenir pour lui des informations et des réponses de la part des manifestants. C'est dur le métier de journaliste. Alors Georgetta, bonjour, vous êtes l'organisatrice de cette manifestation pour moins de dureté dans les quignons de pain. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, à votre avis, il y a si peu de monde, puisque vous êtes vous-même à la tête de ce cortège formé d'un pousse-pousse et d'une personne qui le pousse, qui semble être une femme, bien que ces traits ne soient pas si clairement définis. Georgetta? Ah, Georgetta semble être avoir quelques difficultés à s'exprimer. Georgetta, parlez-vous une autre langue? Do you speak English, par exemple? Georgetta ne semble pas réagir. Peut-être Georgetta est-elle espagnole? Habla espagnol, Georgetta? Non, visiblement pas. Georgetta, do you speak coup de pied dans le derrière? Ah, là elle semble réagir, mais non, elle ne fait pas de bruit. Ah, mais peut-être que Georgetta est muette, ce qui devrait expliquer la raison pour laquelle elle ne répond pas à nos questions. Nous allons peut-être tenter d'interviewer le pouce-pouce, qui lui doit certainement avoir des choses à nous révéler, puisque voyons les choses depuis un angle très différent. Pouce-pouce, bonjour. Cuit-cuit-cuit. Quelle langue parlez-vous, pouce-pouce? Cuit-cuit-cuit. Oui, alors là, je pense que nous allons avoir quelques difficultés à obtenir des réponses. Ce n'est pas facile d'interviewer des manifestants, croyez-moi. Vous êtes présenté ce soir par personne. Personne ne veut payer pour ça. Je fais ce que je peux, hein. Certes, une petite Annabelle, bien entendu, mieux, non? C'est Alf. C'est ça, c'est Alf. Écoutez plutôt ce que nous a envoyé Julien Morino de Pamukkale. Voici sa carte postale sonore, seconde partie. Skroom, le 14 juin 2005. Après un repos bien mérité au Kertészbourg, notre enquête sur les survivances des polices secrètes de Wurdaian doit reprendre. La première chose à faire, sans doute, est de vérifier si le commissariat de Skroom est constitué par des policiers démocratiques. Peut-être sera-t-il possible d'y découvrir quelque chose. Recherche donc du commissariat de cette ville d'environ 50 000 habitants. Pour un occidental, la logique voudrait qu'au moyen d'un plan de la cité, on puisse trouver le poste de police le plus proche. Hélas, personne ne vend de plan à Skroom. Le patron du Kertészbourg n'y est jamais allé, poste de police, mais connaît le nom de la rue, boulevard Ferdinand Boutboul. Seulement voilà, les gamins de Skroom s'amusent à déplacer les plaques portant le nom des rues ou à les faire disparaître, tout simplement. Les adultes s'énervent, mais rien n'y fait. Et que fait la police? Eh bien, rien. Y a-t-il seulement un commissariat à Skroom? Rien n'est moins sûr. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Skroom, le 17 juin 2005. Dans le pays qui a fait sa gloire avec un képi, le grand képi de Wurdaian, pas moyen de mettre la main sur le moindre de ses couvre-chefs dans Skroom. Impossible de croiser un militaire ou un flic. Il semble ne pas y en avoir. Dans une cité de 50 000 habitants, c'est quand même un peu étonnant. De retour à l'hôtel, j'interroge les clients et le personnel, mais pas de réponse. On détourne la conversation, ou on m'envoie carrément sur les roses. Étrange. Le 5 juillet 2005. Chers collègues, monsieur le président et vénéré rédac-chef, mon ami Pierrot, public chéri, mon amour, je sais... J'aurais pas dû, vous avez flippé un max et tout. Je vais bien. J'ai rencontré Ursule, une charmante touriste polono-cubaine en échange linguistique à Skroom. Nous avons tenté une expérience mystique ahurissante dans les montagnes environnantes et j'ai un peu oublié de vous donner des nouvelles. Mais tout va bien. Je continue mon enquête et vous skyperez bientôt. Amicalement, Julien. Scroom, le 6 juillet 2005. Je vous dois, chers auditeurs, chers collègues, quelques explications. Il semble que la communauté des chroniques se soit mobilisée pour me venir en aide, alors que je n'étais pas en danger. Là-bas, Moncalier est un pays paisible. On n'a jamais entendu parler d'enlèvement ou de rapt. C'est une invention de l'Irak tout proche. Ici, rien de tout cela arrive. Lorsque les Pamukkal ne sont pas contents, ils jettent des tomates sur les façades des bâtiments officiels. Et lorsque le calme est revenu, ils vont eux-mêmes nettoyer, ça laisse des traces. Ursule est merveilleuse. Nous nous sommes rencontrés sur la terrasse d'un café de Scroom. J'essayais vainement de commander un thé à la menthe. Le serveur m'a apporté successivement des cacahuètes, un pastis, des chaussettes en laine et un œuf d'autruche. Lorsqu'une magnifique blonde aux yeux noirs est arrivée. Elle m'a demandé, dans un français presque parfait, ce que je désirais et a indiqué au garçon, dans un calme sans hésitation, un thé à la menthe. Je l'ai invité à ma table et nous avons bavardé. Ursule, de père polonais et de mère cubaine, a grandi à Moscou, puis à Barcelone. Elle a fait des études de langue, elle en connaît 10. Elle suit des cours de calme à l'université de Scroom pendant un an. Le lendemain de notre rencontre, elle partait pour quelques jours dans un monastère montariste des montagnes. Nous y avons vécu une expérience merveilleuse. Je vous en parlerai peut-être une fois. Et voilà, nous sommes redescendus à Scroom pour continuer mon enquête. Scroom, le 19 juillet 2005. Les vieux n'en reviennent pas. La violente tempête qui s'est abattue sur la région de Scroom ce matin n'a pas d'égal dans les mémoires. Vers 10h30, le ciel s'est brusquement assombri. Un vent très violent, plus de 160 km/h, accompagné de grès longs et de pluie, a provoqué de nombreuses chutes d'arbres et des dégâts très importants dans les plantations de scol. La région de Scroom est en effet la principale productrice de scol du pays. Cette céréale est utilisée pour produire le fameux bouzou qui fait la réputation de Scroom et de toute la Pamukkale. La plupart des scolnerons de Scroom n'a évidemment aucune assurance contre les risques naturels et la récolte est perdue par endroits à 100%. On comprend dès lors leur désespoir. Un jeune scolneron rencontré en fin d'après-midi nous parlait d'apocalypse. Embraz, le 3 août 2005. La chaleur était torride à Scroom. Ursule m'a proposé de m'emmener à Obraz, au bord de la mer Méditerranée, pour prendre un peu de frais. Je n'ai pas pu refuser. Mon patron étant en vacances, je me suis dit que je pourrais faire pareil. Nous avons donc pris la route dans la petite voiture que nous a prêtée un ami. Sur les chaussées défoncées de Pamukkale, il me semblait que nous parviendrions jamais à destination. J'ignorais que près d'un tiers de la population du pays se déplace vers la mer à l'été et que de nombreux étrangers se joignent à leur joyeuse transhumance. Les bouchons n'ont donc rien à envier à ceux de la vallée du Rhône ces jours-ci. Pour essayer de fluidifier le trafic, l'Union européenne finance la construction d'une autoroute qui devrait relier Kovor, tout au nord, à Obraz. Pour l'instant, seul un tronçon entre Pahar et Obraz est terminé. Les Pamukkale roulent très lentement sur l'autoroute, mais les étrangers disposant de véhicules beaucoup plus puissants conduisent à tombeau ouvert. Les accidents sont donc très fréquents. La police de la route est équipée de moyens très modernes pour tenter de faire ralentir les bolides turcs, libanais ou syriens. Sur les grands panneaux d'affichage électronique, la police inscrit le numéro de plaque des contrevenants avec le message suivant. Ralentissez ou je tire. Je peux vous dire que c'est assez efficace. Obraz, le 5 août 2005. La Pamukkale dispose d'une petite bande de littoral méditerranéen, 5 km de long. Fichée en plein milieu de cette bande, Obraz, la riche et accueillante cité portuaire, se prête fort bien à un séjour de vacances. La ville a pourtant subi un terrible outrage de la dictature imbécile dont le pays se remet péniblement. Obraz a longtemps été la porte d'entrée ouest de la Pamukkale. Tout le trafic des marchandises transitait par là jusqu'à ce que Burdayan ne pète un câble. Ne supportant plus qu'une ville de marchands et de pêcheurs fasse de l'ombre à sa flamboyante capitale Kibrit, située à l'est au bord de l'Euphrate, il décida purement et simplement de combler le port. De 1979 à 1984, toute la population pamoukale fut contrainte, en guise de vacances forcées, de prêter main forte à cette entreprise ridicule. À l'aide de pelles, de pioches et à dos de mulets, des dizaines de milliers de citoyens ont arraché à la montagne toute proche les millions de mètres cubes de sable et de rochers nécessaires à transformer le magnifique port d'Obraz en plage. Les bateaux, depuis, mouillent au large. Les pêcheurs ont coupé la quille de leurs petits bateaux et se sont reconvertis en toute illégalité en convoyeurs de marchandises vers la terre ferme. Obraz, le 17 août 2005. Le festival des châteaux de sable d'Obraz a lieu en juillet. Je l'ai donc manqué à mon plus grand regret. Mais à vrai dire, les Pamukkales détestant la précision, ce festival continue inofficiellement jusqu'à la fin de l'été. Seule la compétition du râteau d'or se déroule pendant 10 jours en juillet. Ainsi donc, les plages d'Obraz sont pleines de constructeurs de châteaux de toutes les formes et de toutes les sortes. Les baigneurs sont peu nombreux et il est tout à fait déconseillé de tenter de vous étendre sur le sable, vous risquez d'être très rapidement emmuré. Du 15 au 21 août, la ville d'Obraz organise le festival à l'envers. Tout est à l'envers. On se lève le soir, on se couche le matin, on mange le petit déjeuner avant d'aller se coucher, on roule à gauche en marche arrière, les musiciens jouent leur partition en commençant par la fin, c'est à celui qui trouvera le truc le plus incroyable à faire à l'envers. Dans l'hôtel où je loge, les femmes de chambre ont tourné les meubles à 180 degrés. Pour le lit ça va, mais pour l'armoire tournée contre le mur c'est moins pratique. Et heureusement, le lavabo est toujours dans le sens habituel. Obraz, le 19 août 2005. Je ne me vois plus les mains. Mais vraiment, je sais vraiment pas comment je fais pour encore parler dans ce micro et utiliser cet ordinateur que mon patron m'a donné gentiment parce que je dois produire du tas de contenu pour le blog. Parce que là, je suis vraiment naze. On a commencé à faire les terrasses d'Obraz avec Ursus cet après-midi. Super sympa. Quelques apéritifs sans risque, et puis on a eu faim, vers 20h environ, après avoir éclusé toutes les tavernes du bois. Je sais plus trop comment on fait, on s'est envoyé des brochettes d'autruches, je vais me coucher, je crois. Comme si nous n'avions rien entendu. Décidément, les collaborateurs des chroniques filent un mauvais coton. Bien, nous allons tout de suite avoir une conversation avec Julien Morino grâce à Skype. Julien, vous m'entendez ? Oui, super bien, chef. Bien, très bien, miracle de la technologie. Où vous trouvez-vous en ce moment ? Je suis à Roussinaz, à une soixantaine de kilomètres au nord de Skroum. En fait, j'étais à Obraz, au bord de la mer, il y a encore quelques jours, mais les derniers événements qui secouent en ce moment le Roussin m'ont obligé à quitter la plage et le soleil. Alors, que se passe-t-il dans cette région ? En fait, le Roussin est une région qui se trouve à l'ouest, au nord-ouest de la Pamukkale. C'est une région montagneuse et qui réclame depuis de nombreuses années plus d'autonomie par rapport au pouvoir central. Et depuis que la dictature est tombée, en 2001, les autonomistes roussinais se sont sentis pousser des ailes. Ils ne cessent de provoquer le gouvernement de Kibrit pour qu'il lui accorde une certaine indépendance. Et à quel genre de provocation se livrent ces autonomistes ? Bon, il s'agit en fait d'une poignée de jeunes nationalistes qui se livrent à toutes sortes de manifestations plus ou moins violentes pour attirer l'attention de la population et des autorités. Et le 30 août, lors de du traditionnel marché aux tortues de Rouchinaz, ils ont joué un sale coup au ministre de la Sécurité qui était venu spécialement de Kibrit. Pendant son discours, ils lui ont montré leur derrière, et puis ils sont arrangés pour le kidnapper en se faisant passer pour ses chauffeurs, et ils l'ont laissé nu sur une route à quelques kilomètres de Rouchinaz, en plein milieu des montagnes. Et puis ils ont, lors du marché traditionnel de Rouchinaz, ils ont volé une tortue bicentenaire qui est un symbole national. En fait, cette tortue appartient au joueur de Rouchouk Androun Kaboutin, qui vient justement de la capitale Kibrit. Kaboutin est en fait une star dans son pays. Il pratique le sport national, qui est une sorte de pétanque que l'on joue avec des tortues, qu'on appelle le Rouchouk. Pour les Pamukkales, c'est un sacrilège absolu de toucher un joueur de Rouchouk, et à plus forte raison au plus célèbre d'entre eux. Évidemment. Et sans sa tortue, il ne peut évidemment plus jouer. Alors, les autonomistes promettent qu'ils ne feront aucun mal à la tortue, mais qu'ils la rendront que lorsque leurs revendications seront exaucées. Mais en quoi consiste leur revendication ? Ils veulent l'indépendance de la Rouchine ? Ou du Rouchine, hein, vous dites, je crois. Oui, c'est le Rouchine. Non, en fait, c'est ce qu'il y a d'étrange. Ils souhaitent une plus grande autonomie et une meilleure représentation de leur région au sein du gouvernement et du Parlement, mais ils ne souhaitent pas quitter la Pamukkalie ni être indépendants. Et comment va se terminer cette histoire ? Mais on n'en sait rien pour l'instant. Les Pamukkales sont très choqués. Le gouvernement a ouvert une enquête et envoyé des spécialistes de Kibrit pour retrouver la tortue. Du coup, je vois enfin des policiers que je cherchais en vain à Obraz et à Skroum, mais ça c'est une autre histoire. Et on espère que ça ne va pas se terminer en bain de sang. Mais le ministre a été retrouvé sain et sauf. Donc un bain de sang pour le kidnapping d'une tortue, c'est pas un peu exagéré, Julien ? Eh bien, les jeunes autonomistes sont populaires dans la population de Rouchinaz. Dans la région, tout le monde se marre de voir qu'on ait pu aussi facilement ridiculiser un ministre et une star du Rouchouk, alors que tous les deux étaient sous bonne escorte. Du coup, dans les autres régions du pays, des milices un peu spontanées se sont formées pour aller donner une leçon aux plaisantins, et il semble que plusieurs expéditions punitives se préparent. Alors le gouvernement central tente de calmer le jeu, et pour l'instant il y parvient, mais pour combien de temps ? On espère que les autonomistes rendront rapidement la fameuse tortue, et que les choses rentrent dans l'ordre rapidement. Eh bien, quelle histoire ! Vraiment. Et à part cela, comment voit-on les événements internationaux de Pamukkale ? On a entendu parler du cyclone Katrina, j'imagine ? Oui, évidemment, le gouvernement a offert son aide à la Maison Blanche. La Pamukkale offre aux États-Unis une cargaison de canards de bain en plastique. Vous savez, ces petits jouets jaunes qu'on met dans le bain des enfants. Pardon ? Mais c'est ridicule. Oui, complètement, mais ce pays n'a pas grand-chose à offrir. Et un cargo s'était échoué au large d'Obraz il y a quelques années, en déversant des milliers de ces petits canards sur les plages. Ils avaient été ramassés et soigneusement entreposés dans un entrepôt de l'armée en attendant que quelqu'un les réclame ou que le gouvernement les donne à des enfants. Alors voilà la décision. Bon, et la Pamukkale est à deux pas d'Israël. Comment sont vécues les évacuations des colonies à Gaza ? Quelle est la position du gouvernement ? Eh bien en fait, il n'en a pas. Vous savez que le dictateur Broudayan était connu pour être l'ami des forts et l'ennemi des faibles. Et en fait, aujourd'hui, la Pamukkale a adopté une neutralité à toute épreuve. Elle ne prend jamais parti, mais alors, jamais. C'est pourtant assez difficile ici, au Moyen-Orient, entre Chypre, qui est juste en face, les problèmes du Kurdistan, la Palestine, l'Irak, etc. et la Pamukkale est sans cesse pressée de réagir, mais le gouvernement ne dit rien sur la politique régionale. La consigne est simple dans les milieux diplomatiques, sourire à tout le monde et la boucler. Du coup, les autres pays oublient systématiquement ce pays, c'est peut-être la raison pour laquelle on entend finalement assez peu parler. Bien, Julien, merci pour ces quelques informations. Mais si vous voulez un exemple de tentative d'exister de la part du gouvernement Pamukkale sur la scène internationale, j'ai une jolie petite histoire à vous raconter. On vous écoute, Julien. Vous savez que la Suisse doit voter le week-end prochain pour l'extension de ses accords bilatéraux avec l'Union européenne aux nouveaux pays membres de l'Union. Mmh. Et il semble que le non risque de l'emporter, malheureusement. Et le gouvernement Pamukkale a annoncé à l'Union européenne que si la Suisse n'en voulait pas, elle voulait bien de l'extension des accords bilatéraux. C'est assez étrange parce qu'évidemment, il n'est pas question pour l'instant pour l'Europe d'intégrer la Pamukkale, mais ils essayent de pousser un petit peu. Et bon, si ça peut influencer tant soit peu la décision des Helvètes, ça pourrait être... Ce serait tant mieux, en effet. Merci Julien, nous allons arrêter là notre discussion car il est déjà largement demain. À qui dites-vous, Pamukkale, nous sommes 2 heures en avance sur vous. Au revoir chef, à bientôt. Au revoir Julien, portez-vous bien et pas de folie avec votre corps. Voilà, c'est la fin du podcast de 23h45. Nous vous annoncions la dernière fois que nous allions tenter de faire plus de podcasts. Eh bien, en fait, nous n'y arrivons pas. Alors, le podcast de 23h45 sera un mensuel, et voilà. Si vous avez le droit de vote en Suisse, votez oui. Et puis, si vous ne l'avez pas, votez pour les chroniques au podcast d'or de la langue française. Voilà, à bientôt, et méfiez-vous des contrefaçons. Enfin, pas trop.